dernier adieu. En ce lundi fin juin, nos regards se sont échangés. Après quelques phrases que je t'ai dictées, une larme sur ton visage a coulé. Des images me reviennent, telles que la complicité que l'on a eue depuis tant d'années. Puis deux jours après, tu t'en es allé rejoindre tous ceux qui t'ont aimé. Je ne regrette pas que nos chemins soient croisés. Je pensais que tous les pères étaient immortels, mais je me suis trompé. Ton cœur s'est arrêté en ce début d'été. Un jour on se retrouvera et on recommencera sans les mêmes erreurs du passé. Sans les mêmes erreurs du passé. Un dernier adieu. Erreurs du passé.